Pourquoi veut-on tout donner aux enfants ? À l'approche des fêtes de Noël, ou bien autour des fêtes de Noël, avant, après, ou de certains anniversaires, ou de certains événements comme la naissance, nous nous offrons des cadeaux d'une manière générale, et ça semble répondre à une obligation sociale en général, et nous sommes pourtant aussi surpris, car il y a une sorte d'intensité supérieure, de dimension spécifique qui semble s'imposer dans les cadeaux que nous faisons aux enfants. Est-ce là une apparence? Est-ce lié, par exemple, dans le cas de Noël, au rituel qui célèbre la naissance du Christ et une fête dédiée à l'enfance? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose là qui renvoie à nos vies en ce qu'elles ont de plus fondamental? C'est bien sûr vers cette deuxième réponse, vers cette deuxième analyse que nous tendrons ici. Car le don aux enfants nous révèle peut-être l'essence même du don, qui est la relation interpersonnelle, en tant qu'elle vient aussi de l'un qui a ou qui peut quelque chose, à l'autre qui ne l'a ou ne le peut pas, le don comme soutien qui trouve sa dissymétrie extrême face à l'enfant menacé, fragile, faible, parfois dans ce que les psychanalystes appellent sa détresse de nouveau-né, et qui alors suscite chez les autres un don inconditionnel, un don absolu, les figures parentales qui sont prêtes à donner leur vie pour préserver celle de l'autre. Oui, cette dimension de sacrifice qui donne une image peut-être mystique du don, mais qui est peut-être aussi au cœur de nos vies. C'est pourquoi l'enfant est celui ou celle à laquelle ou auquel on est prêt à tout donner. C'est ce que chante ici, par exemple, Michel Polnareff. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses. Oui, il y a dans ce futur, je te donnerai quelque chose comme d'une promesse, comme d'un engagement absolu à elle ou lui, ici elle, petite fille de ma rue qui semble si vulnérable, peut-être à sa naissance, on est prêt et on s'engage à tout donner. Pourquoi veut-on tout donner aux enfants? Ce n'est peut-être pas un aspect secondaire de la question du don, c'est peut-être au contraire ce qui permet de dépasser la contradiction qu'on ne cesse de retrouver entre les théories sociologiques de l'échange obligatoire qui assure la paix entre les humains et les théories mystiques qui font qu'on donne plus que ce qu'on a, qu'on se dépasse, qu'on donne de sa personne, que le don est toujours une ressource, comme le pardon d'ailleurs, les théories religieuses liant très souvent le don et le pardon d'une manière absolue. Mais peut-être tout cela trouve-t-il en réalité sa racine dans cette relation très concrète, très vitale entre ce que les uns ont et ce que les autres n'ont pas, et que le don vient en quelque sorte résoudre comme une sorte de soutien vital apporté des uns aux autres qui fait qu'en retour, nous recevrons peut-être un sourire, une reconnaissance, peut-être pas, l'ingratitude des enfants. Cela apparaît par exemple chez le père Goriot, qui donne tout à ses filles et qu'elles abandonnent si cruellement à la dernière ligne. Mais justement, ce don aux enfants n'est pas seulement une condition sociale ou psychique ou morale même, mais vitale, et sans elle, l'humanité ne serait pas possible.